suis jamais tout seul. L'ombre m'a attigné, ne nuit qu'au beau jour. Jésus m'a jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Cantique numéro 181, chant de victoire. Cantique numéro 181, chant de victoire. Le titre c'est J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, oh sauveur, lave-moi, dans le sang de ta croix, Jésus, j'entends ta douce voix qui me ils mourent pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Saint. Cantique numéro 182, chant de victoire. Enfin, Jésus a triomphé. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance et du jour qui m'a libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Salut ton voisin, salut ton frère, salut ton sœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous écoutez, la Sainte Assetou Aïdara, le frère Bamba Iba, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La Sainte Yankam Christiane de Belgique, que Dieu vous bénisse, le frère Cyril et Madame Cyril, que Dieu vous bénisse en Allemagne, que Dieu vous bénisse partout où vous jouez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Tenons ferme. Même quand vous chantez des cantiques, il y a des larmes, on comprend effectivement qu'il y a les souffrances sur cette terre-ci. La chaleur, le froid nous disent clairement que nous ne sommes pas là pour demeurer ici. D'accord, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais vous savez encore chanter ces cantiques-là, en son temps, vous savez chanter ça, hein? Mais, frère, il y a un cantique que tu vas chanter au deuil du frère Achille en consamba. Je ne sais pas comment tu vas chanter ça. 305. Le numéro 305. Chantons ça, puis on chante. Parce que quand j'étais en Europe, c'est toujours ça qui chantait. Pensez à toi et ça. Chantait. Le cantique combien? 305. 305. Chantons cela. C'est toujours dans les chants des victoires, toujours. Je ne sais pas pourquoi quand j'étais en Europe, c'est toujours ça qui chantait dans, dans mes pensées. Il dit, oh, le frère Eric. Mm-hmm. 305. Et quoi qu'il va corriger, tu connais ça, n'est-ce pas? Cantique numéro 305, vous êtes là? 305. Amen. Amen. Amen. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui vient me faire connaître. Son amour s'emparait, un rayon de joyeux, un doux rayon de soleil, que Jésus envoie, auprès bonheur s'emparait. Jésus me demande dans le monde entier, vous avez ces cantiques devant vous, vous comprenez les paroles de ces cantiques. Puisse le Seigneur envoyer ces rayons-là dans notre âme, dans notre cœur. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse, Amen. Que Dieu vous bénisse. Le frère Guy Yannick d'Allemagne, bonne arrivée. Allô, frère Junior. Bonsoir. Et le frère Junior est passé, nous sommes en plein là. Bonsoir. La sœur Yannick, la sœur Christiane de Bruxelles, bonsoir. Je crois que le micro... Bonsoir, j'avais coupé le micro. Le micro, oui. Il y a encore qui est venu de nouveau. Bonsoir. Le frère Bamba Iba de la Côte d'Ivoire, bonsoir. Bonsoir, mon frère bien-aimé, bonsoir à toute l'assemblée. Bonsoir. Ouais, maman Abetti, on arrive. Quand on était en Allemagne, tu n'as pas parlé. Le frère, il va bientôt, c'est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Amen. Amen. Priez pour nous. La sœur Asetou Adara. La sœur Asetou Adara. Il y a un rêve. De quoi parle ce rêve? Ça me concerne? Non, on avait parlé de ça la fois passée, avant que tu ne voyages. Quoi. Tu avais dit après qu'elle aimait me parler, donc c'est pour ça qu'il a envoyé le message. Oui. Tu attends très fort, n'est-ce pas? Oui. Que le Seigneur te visite, d'accord? Amen. Mm-hmm. Donc, bienvenue surtout à la sœur Reine de Bruxelles, qui c'est la première fois qu'elle communie avec nous comme ça en direct. Que Dieu la bénisse. Sentez-vous à l'aise et bienvenue à la maison comme ça. La soeur Bettine, on t'écoute. Je disais que j'ai besoin de ce livre de chant. Oui, je crois que le frère Stéphane va t'aider. Le frère Stéphane, tu vas aider la soeur Bettine, n'est-ce pas? Comment l'obtenir sur son PC ou quoi? Le frère Stéphane est où c'est? Il est aussi en Allemagne ici. Il est là, il te voit, il sait comment il va faire. C'est un spécialiste de cela. Ok, je vais seulement lui donner mon adresse. Il envoie ça pour moi. Oui, il va t'envoyer sa forum, oui. Frère Guy Yannick, bonsoir. Son micro est ouvert, mais il ne parle pas. Le frère Cyril d'Allemagne, Fulda, bonsoir. Ou bien la soeur Cyril. Oui, bonsoir, c'est Alice. Comment se va ma soeur Alice Cyril? Alice Cyril, ça veut dire que c'est Alice, la femme de Cyril, n'est-ce pas? Tout à fait. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La soeur, une personne vient de se connecter. J'imagine que c'est l'encore du Nafissa. La soeur Nafissa ou bien le frère Nafissa. Bonsoir et bienvenue. C'est moi. Merci. C'est qui là-bas comme ça? Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Anne. C'est qui? C'est Nafissa. Nafissa. Tu es où là? Tu es où en Côte d'Ivoire ou bien en France? Je suis en France, à Bordeaux. À Bordeaux. Que Dieu te bénisse. Ah là, c'est la soeur de famille Tra, c'est ça? Assez tout. Bonne arrivée. Vous voulez que tout le monde soit, sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, on va chanter. Il y a un cantique là. Je ne sais pas si vous aimez ce cantique là comme moi. C'est un cantique qui a meublé ma vie pendant que je souffrais. C'est en son temps. Dieu fait toujours en son temps. Vous savez chanter ça, hein? Mais bon, oui. Anthony, on va suivre. Quand les mots vont venir, quand les paroles vont venir, on suit. Vous allez suivre. Trois, chants. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, la délivrance de mon sauveur en son temps, Dieu agit en son temps, même si les souffrances du monde. La délivrance de mon sauveur en son temps. la délivrance de mon sauveur en son temps. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu bénisse. Salut vos frères, salut, et puis vous asseyez. Salut, salut, vous asseyez. Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi ici, que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a une place vide là, non? Quand vous êtes serré comme ça. Ok, ok. Quelqu'un parmi vous a-t-il un sujet d'exhortation, une révélation, un songe, une question? Vous serez servi. Ou bien servez-nous. Frère Jacques, Frère Jacques. Frère Bégéni, tu n'as pas d'exhortation à nous donner? Frère Stéphane, y a pas de nourriture pour nous ce soir? Si, mais pour m'accorder 10 minutes, je vais chercher mon travail, je reviens. La Bible, hein? Non, c'est pas lié au travail. Ok, donc ça veut dire qu'on va, on va rester stable pendant 10 minutes pour t'attendre, ne t'inquiète pas. D'accord, tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on va prendre qui peut nous donner une exhortation là. Le frère Benjeni, fait comme s'il n'entend pas depuis. Il entend bien. Il dit que ce n'est pas son rôle. Bon, le frère Trabi, y a-t-il quelque chose que nous pouvons manger aujourd'hui? Pour ma part, c'est en quelques mots. Oui. C'est de dire à tous les bien-aimés que de ne pas baisser les bras. Oui. De continuer de persévérer toujours dans la foi et vraiment de s'attacher vraiment à la souveraineté qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demandez à la sœur Albertine de fermer son micro. Sœur Albertine, si tu nous écoutes, ferme ton micro pour que ça ne soit pas désagréable, parce que ça coupe le frère Trabi là. Et le frère Guyane également, ferme le micro. Il y a un son qui sort de chez vous. Comme ça, si vous voulez intervenir, vous ouvrez le micro. Allô? Allô? Donc le micro est fermé, est ouvert chez le frère Guy Yannick du côté de l'Allemagne et du côté de Albertin en Allemagne. Je crois que c'est dû parce que le Cameroun joue avec contre l'Allemagne, quoi. C'est pour ça. Allô? Le micro est ouvert chez Guy Yannick et chez la soeur Albertine. C'est désagréable. Allô? On t'écoute. Oui, bonsoir, c'est la soeur Mérode. Vous avez vu, non? Vous avez vu le problème? C'est chez qui ça fait ça? Donc, je crois qu'on va supprimer cette personne le temps que la personne puisse répondre. Frère Trabi, ça fait ça chez qui là? Je suis en train de voir, je suis en train de vérifier. André, le bruit est coupé maintenant. Ok. Donc, ton hésitation, frère Trabi, vas-y. Ok, c'était en quelques mots. Je voulais parler à mes frères et sœurs pour dire que de ne pas vraiment. S'attacher à un homme, de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Amen. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Donc, c'est celui qui a versé son sang. Et si nous devons suivre quelqu'un, c'est lui que nous devons suivre. Nous ne devons pas suivre une personne. Amen. Vraiment, il faut que nous nous arrangeons à pouvoir avoir ça fixé dans notre esprit. Amen. Ce n'est pas que ça sort de notre esprit pour dire que c'est un homme qu'on regarde. Non. Amen. C'est Dieu au travers d'une personne qui fait son œuvre. Donc, si la personne quitte, est-ce que l'œuvre de Dieu ne pourra plus continuer? L'œuvre de Dieu peut toujours continuer. L'œuvre de Dieu va toujours continuer. Allô? Paul est mort. Pierre est mort. Les apôtres sont morts. Mais l'évangile continue jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Oui. Tu es là, tu t'échappes. Vraiment, c'était en quelques mots, je voulais dire à mes frères et sœurs de pouvoir vraiment s'attacher au Seigneur. Oui. de pouvoir s'attacher au Seigneur. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous enseigner dans toute la vérité. Amen. Amen. Vraiment, c'est le mot que je voulais vraiment exhorter mes frères avec ce mot. Mais il y a un de tes compatriotes ou bien de proche de toi qui a dit qu'il va t'égorger quand Jésus va venir. Ah oui, oui, oui. Oui, vraiment, on a écouté la réplique de, comment on appelle, de Nana, tout ça. Bon, oui. on a jugé nous-mêmes, on a vu, on a compris que vraiment d'où ça venait, on a vu, et par le discernement que le Seigneur nous donne, vraiment, ça. Mais de toute façon, ce n'est pas nous tous qu'on doit égorger, c'est le frère Bamba Iba, le quoi il est là à présent. Frère Bamba Iba, on va t'égorger. Menacé. Faux prophète. Il faut qu'on fouille le faux prophète Bamba Iba du Cameroun. C'est toi. Voilà. Ne t'en fais pas. On a béni le Seigneur pour tout ce qu'il a dit, pour tous les injures. On a béni le Seigneur, on a remis dans les mains du Seigneur. Oui. Donc le frère, il va te dire. C'est rien, ma soeur, laisse tomber tout ça. Frère Iba, tu es un prophète, on va t'égorger. Jésus va t'égorger quand il va venir. Frère, il y a beaucoup de moyens. Oui. Voilà. Ça, c'est pour détendre l'atmosphère. Je crois qu'il faut qu'on commence les choses sérieuses. La soeur, Nafi s'est lâchée. Il y a des bruits chez toi. Oui, oui. Tu voulais dire quelque chose parce que tu insistes là depuis. Bruit là-bas, il y a des enfants. Trop de bruit chez toi. On peut commencer si vous. Y a-t-il des questions? Quelqu'un a-t-il des questions? Personne, si personne a des questions, on chante, on se sépare, non? C'est un bonjour. Non, il y a des questions. Y a des questions. Oui. C'est dans Apocalypse chapitre 17, verset 14. Oui, c'est bon. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Permet que les autres trouvent. Là, on parle des 10 rois qui vont se réunir pour donner avec Aïe la bête, la prostituée. Et autres. C'est bon, ça va? Je crois que tout le monde a sa Bible déjà, oui. Vas-y, lisez et pose la question, mon frère. Ok, dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, il est écrit ici, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, oui. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, oui. Le roi des rois, oui. Et les appelés, oui. Les élus, oui. Et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Oui. » La question, c'était celle-ci. Oui. Quelle est la différence entre les appelés, les élus et les fidèles? C'est déjà c'est au niveau de la première différence, c'est au niveau de les appellations. Oui. C'est la première différence au niveau de les appellations. Donc tu viens de voir effectivement dans cette phrase-là qu'il y a les appelés, les élus, les fidèles. Donc ils sont d'abord différents. N'est-ce pas? Oui. La deuxième chose, c'est que ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des anges. Oui. Prenez 1 Corinthiens chapitre 1. Alors, je vais répondre de façon sommaire. Je vais donner un travail pour qu'on puisse travailler, d'accord? Et on va revenir sur ça une de ces fois. Frère Jobin, ça va bien? Oui, ça va. Fais quoi, on va se rencontrer. Fais quoi, on va se rencontrer. J'ai ton cas, ton dossier entre les mains devant le Seigneur. Amen. La sœur Sandra de Maryland, bonne arrivée. Yes. Ok. Yes. Welcome, you're welcome. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 et 2. Qui peut lire là? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 et 2. Le frère, il bat chez toi, il y a les voitures qui passent en bas. J'espère que ce n'est pas le tramway qui passe là-bas en bas. Allons-y, frère fidèle, lis alors. Frère fidèle. Oui. Lis-nous cela. Ok. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2. Oui. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, oui, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, oui, appelés à être saints, oui, et à ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit, oui, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Amen. Dans ce passage-là, essayez de nous situer à combien de personnes cette lettre sont avancées. Essayez de déterminer à combien de personnes, quels sont les principales destinataires de cette lettre-là. Frère Iba, on te voit maintenant. Vous y êtes, tout le monde, vous avez la Bible devant vous, n'est-ce pas? Trois personnes. Frère Benjamin, enfin ta voix est sortie. Dis-nous, quels sont les trois destinataires? Les trois destinataires, c'est celui de Dieu qui est à Corinthe. Un. Ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Deux. Appelés à être sanctifiés. Et tous ceux qui invoquent en quelque sorte que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait quatre, n'est-ce pas? Quatre. Commençons par le premier. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, il s'agit de qui? Il s'agit de l'assemblée de Corinthe. L'assemblée de Corinthe, c'est constitué de qui? C'est constitué des sanctifiés en Jésus-Christ. Ok. Deuxième point. Alors, frère Jobel, ferme ton micro. Frère Jobel, ferme ton micro. Deuxième destinataire. Appelé à être saint. Il s'agit de qui ça? Ils sont les mêmes. Les mêmes comment? Appelé à être saint. Comment? Tu dis que ça s'adresse à l'église de Corinthe. L'église sont les gens, ceux qui sont de l'église sont saints ou bien ils sont appelés à être saints? Ah, non, ils sont saints. Ok, je pose la question. Le deuxième destinataire, vous savez pourquoi ils sont de vous amener là-bas? Non. Pour que lorsque la Bible se répète en utilisant des terminologies, que vous commencez à étudier, à prendre, en prenant les choses au sérieux, d'accord? Okay. Bon, il dit premièrement, Paul, apôtre de Jésus-Christ, le frère Sostène, à l'église. Donc, à, ça veut dire que ça s'adresse à ceci, n'est-ce pas? Oui. Il dit à, puis il dit premièrement, l'église de Dieu qui est à Corinthe. Deuxièmement, à ceux qui sont appelés à être saints, c'est ça? Oui. Ceux-là, c'est qui donc? Je crois que c'est ceux qui ne sont pas encore rentrés, mais qui sont en train de. Enfin, qui sont appelés, mais qui vont rentrer progressivement. Non, si tu y avais les palmes d'or chrétien, on devait te donner directement. Que Dieu te bénisse. Continuons, le troisième groupe. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu et en quelque sorte le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceci c'est qui donc? Tous ceux qui se réclament de Christ. Toute l'église. Bon. En dehors des gens de l'église, est-ce qu'il y a encore des gens qui se réclament de Christ? Non. Mais dans ce cas, ce groupe-ci, c'est qui alors donc? C'est que c'est l'église, c'est la seule église. Comment on appelle, je peux dire universel. Ils sont à tous sur la face de la terre. Mais ça veut dire que ceux-là, ils sont les saints ou bien ils ne sont pas saints? Ah oui, ils sont des saints. Et ceux qui sont appelés à être saints ne sont pas encore saints, n'est-ce pas? Oui, dans ce contexte, c'est pas quoi. C'est vrai que le jour qu'ils vont entrer, ça va les concerner, n'est-ce pas? Oui, oui. La même règle sera pour eux également, n'est-ce pas? Oui, oui. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un ouvre n'importe quelle religion, comme on a dit, Jésus-Christ, alors un Corinthien le concerne, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, vous avez vu la façon que le Saint-Esprit a essayé d'élaborer tous ces gens-là, n'est-ce pas? Pour que tout le monde y soit concerné. Oui. Voilà. Maintenant, allons-y, prenez encore un deuxième livre. Vous êtes prêts? Oui. Actes chapitre 2. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous êtes tellement mûr dans les Écritures que je suis obligé d'aller de cette façon-ci. Oui, oui. Mm-hmm. Parce que ça vous permet de travailler. Vous permet de travailler. Actes chapitre 2. Dès que vous y êtes, vous me dites, je vous donne. Oui, oui. Acte chapitre 2, tout le monde y est. Prenez le verset 38, 39, 40. Dès que vous y êtes, vous lisez. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs paroles, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà. Et l'apôtre Pierre dit que la promesse est pour qui? Pour eux d'abord. Oui. Pour eux d'abord, à ceux à qui il parlait. Oui. Et puis, pour leurs enfants, et puis pour tous ceux qui viendront de partout dans le monde entier, en aussi grand nombre que le Seigneur, leur Dieu les appellera. Voilà. Donc Dieu va appeler. Ceux donc qui vont entendre, ça va qu'ils vont venir. Ils sont appelés quoi d'entrée? Ils sont les appelés. Les appelés. Allons dans Romains au chapitre 9 maintenant, chapitre 8 maintenant, que vous connaissez bien. Oui, Romains chapitre 8. Verset 28 et 29. Dès que vous êtes prêts, vous lisez. Nous savons que vous êtes prêts. Romains chapitre 8, verset 28 et 29. Allons-y, on lit à haute voix. Celui qui le frère Bégénite. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils fût premier né entre plusieurs frères. Continue. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Voilà. Donc, c'est bon. On vient de lire Actes des Apôtres chapitre 2. Et on a vu comment l'apôtre Pierre signifiait que Dieu a une façon qui va les faire venir, n'est-ce pas? Oui. Tous ceux dans l'homme qui les a connus, on les appelle quoi? Les appelés. Amen. N'est-ce pas? Je vais seulement vous donner quelques définitions et vous allez voir l'étendue de la chose. Prenez, nous sommes dans Romains, n'est-ce pas? Mm-hmm. Prenons le chapitre 11 maintenant, les versets 25, 26 et 27. Verset 26 particulièrement. Dès qu'on va finir, on va aller dans le livre du prophète Isaïe. Allons-y. Quand 25 et 26. Oui. Car je ne veux pas, mes frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous gardiez point comme sage, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Voilà. Et ainsi, Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Voilà, c'est bon mon frère. Donc on voit effectivement que l'apôtre Paul a donné un mystère qui était caché dans le plan de Dieu ici. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous voyez? Donc ceux qui sont aussi en grand nombre au loin, Dieu va les faire entrer. Dieu va les faire entrer. Ceux-là, ils vont entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va les appeler que toi, entre ici, comme il était écrit dans le livre des Thessaloniciens. Donc on va y aller maintenant. D'accord? Allons dans le livre des second livre des Thessaloniciens. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens. On va aborder un de ces noms-là maintenant. On va commencer à les étudier dans la Bible. 1 Thessaloniciens, Dès que vous y êtes, vous me dites. Chaque fois qu'on va lire, on va poser les questions de, quoi, de qui est-ce qu'il est question, d'accord? Chapitre. Oui, le son n'est pas bon chez le frère Benjeni. Je crois que chez le frère Trabi, le son est bon chez toi. Je crois que tu pourras lire. Pendant que tu lis, frère Benjeni, ferme ton micro. Pour qu'il n'y ait pas d'écho. Voilà, merci. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 à 4. On va s'arrêter au verset 4. C'est le verset 4 qui nous intéresse. Ok. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Paul est... Non, c'est ça. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 1, c'est ça. Allons-y. Oui, Sylvain. Oui, frère Bali alors. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre frère bien-aimé. Nous savons, frère bien-aimé de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, amen, mais avec puissance, avec esprit saint, avec une pleine persuasion. C'est bon. Donc, vous voyez, tout le monde, vous voyez le verset 4, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit qu'ils savent que les frères des Thessaloniciens sont comment? Les élus. Vous y êtes tout le monde? Donc, au premier verset, il a dit Paul, et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens. Vous voyez? Puis au verset 4, il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Ici, élu est mis pour qui là? De l'église des Thessaloniciens. Prenez encore notre passage là, 1 Timothée. Timothée, les enfants jouent en bas chez toi, frère Iba. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 21. Frère Trabic, tu peux nous lire. 1 Timothée, chapitre 5, verset 21. 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Oui. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Voilà, là-bas, on dit élus et mis pour qui ici? Qui sont les élus? Les anges. Devant les anges élus. Maintenant. Je crois qu'il faut qu'on parcourt. Frère Travis, ça te fait rire, n'est-ce pas? Quand même, les anges sont élus. Wow. Allons dans le livre de 2 Timothée. Je vais vous faire lire tout cela au départ. Vous en avez les notes, n'est-ce pas? Après ça, maintenant, quand le travail que vous allez faire, vous allez tracer un tableau et ça vous allez le tableau au complet. Vous pouvez maintenant savoir de quoi il est question. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 10. Le frère Camille, le micro est ouvert chez toi. À moins que tu veux lire. Bonne arrivée. C'est Nafisa, ferme ton micro. Nafisa de Bordeaux, ferme le micro. Merci. Frère Trabi, lis 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. Allons-y. Ok. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Le style d'élu qui se trouve dans ce verset-ci est curieux. Parce que ces élus-ci, ces styles-ci, l'apôtre Paul a de faire tout. Il préfère supporter la souffrance pour que ces élus-ci aient le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Donc voici un style d'élu, il faut qu'on identifie de ce qu'il en est de parler. L'apôtre Paul en train de souffrir comme ça, il supporte tout à cause des élus. Ici, il ne peut pas être de l'église, il s'agit de l'église. Parce que l'église a déjà le salut qui est en Jésus-Christ, vous voyez. Il dit ici, ici, il supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi, ils aient le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Vous avez vu cela? Donc c'est une catégorie de personnes qu'il faut parler. C'est donc pour cela que vous ne pouvez pas aller dans la Bible en commençant à dire Apocalypse chapitre 17 verset 14, les appelés, les élus, les fidèles l'ont vaincu aussi. Il faut aller dans la Bible, voir la chose au complet dans la parole pour savoir comment, quel langage Dieu est en train d'utiliser. Et donc vous allez permettre donc qu'on lise tous ces passages qui concernent ces choses-là. Et donc le devoir, ce sera maintenant entre vous maintenant de regrouper dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament quand on parle des élus dans tel sens. À qui est-ce que ça réfère? Vous voyez? Dans tel ou tel, dans la grâce, quand on parle d'appeler, de qui est-ce qu'il est question? En clair, tant élu utilisé dans la Bible, à qui ça peut se référer? Il faut que cette question soit répondue. Si c'est répondu, vous allez voir exactement ce qu'il en est. D'accord? Je vais prendre un exemple simple pour que vous me saisissiez bien ce que je suis en train de dire. Si vous suivez la doctrine catholique, pour ceux qui ont été catholiques, vous allez remarquer que on dit que dans Apocalypse chapitre 12, cette femme-là, avec les 12 étoiles-là, et la lune sur ses pieds, et les 12 étoiles, la couronne de 12 étoiles-là, c'est des maris dont il est question. Puisqu'on dit qu'elle doit enfanter un fils qui doit perdre les nations avec une vache de fer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Là, littéralement, la Bible parle d'une femme. Et la femme est censée enfanter un fils qui doit perdre les nations avec une vache de fer. Mais quand vous lisez le contexte, parce que c'est parlé en parabole, on lui dit quelque chose qui est censé arriver. Et là, ça ne peut pas être Marie, parce que Marie est déjà morte depuis. Vous voyez cela? Là, maintenant, on sait que le fils qui doit perdre une nation avec des vaches de fer, c'est le Seigneur Jésus. Alors, quelle est la femme qui enfante le Seigneur Jésus? Il faut qu'on pose la question. Frère Jobin, c'est chez toi, c'est pas pour... C'est Israël. Oui, mon frère Jobin. C'est Israël. C'est Israël. Maintenant, pour arriver à la conclusion que c'est Israël, il faut aller par étude des cas pour savoir pourquoi ce n'est pas telle ou telle chose. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et là, vous commencez à voir que dans Apocalypse chapitre 12, on dit qu'il avait, elle avait une couronne de 12 étoiles, il y avait le soleil et la lune sous ses pieds. Et là, maintenant, on commence à regarder. Comment est-ce que ça peut être église? Parce que l'église est symbolisée par une femme dans l'église. Dans la Bible, ça ne peut pas être une femme. Ce n'est pas, c'est pas l'église qui fait venir Jésus sur la scène. Dans la seule possibilité que ce soit Israël. C'est Israël qui fait venir Jésus. Et nous voyons que le dragon avec le dragon rouge était en présence du Seigneur Jésus quand il est né. Quand Israël a pondu, c'était l'armée rouge de Rome qui était là dans sa présence pour persécuter. Et on a dit là clairement que quand il va voir effectivement qu'il n'a pas pu vaincre Israël, jusqu'il va aller pour faire la guerre au reste de la postérité. De la postérité de la femme, vous voyez. Donc, c'est cette similitude ici que je voulais vous prendre pour vous montrer qu'il faut qu'on fasse attention lorsqu'on étudie ces choses-ci. Pour ne pas aller à une conclusion. Parce que là-bas, la femme est soit Marie, soit l'Église, soit Israël. C'est en étudiant tous les passages qui parlent d'Israël et se rapportant aux prophéties qu'on va savoir lequel parmi laquelle parmi les trois se réfère à Apocalypse chapitre 12. Amen. Voilà, donc c'est ainsi qu'on va travailler maintenant. Vous êtes prêts? Oui, frère Jobin. Frère Chino. Oui. Le verset de 2 Timothée, là, je pense, ça parle d'Israël également. Oui, là maintenant, on sait de quoi il est question. Moi, je sais de quoi. Tous les versets que je vous ai dit, je sais de quoi il est question. Mais nous tous ici, nous ne sommes pas au même niveau de la connaissance. Tu vois cela? Donc, c'est pour ça qu'il faut que je parle de souvent. Si on parle deux à deux avec quelqu'un, je peux lui expliquer facilement. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore lu l'Ancien Testament. Des gens qui n'ont pas encore eu le langage biblique dans tel ou tel domaine. Il faut que j'aille doucement pour que nous puissions à nous arrimer au même moment. Amen. D'accord, c'est pour ça qu'il dit, ce style d'élu, ça ne peut pas être l'église, parce que l'église a déjà le salut. Parce qu'en lisant là, il dit clairement que c'est pourquoi je souffre, je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi, vous voyez, obtiennent le salut qui est en Jésus. Eux aussi. Donc on a parlé d'un certain groupe qu'on appelle aussi élus, qui n'ont pas encore le salut qui est en Jésus-Christ, parce que l'église l'a déjà, n'est-ce pas? Amen. Alors donc, maintenant si vous dites que non, la Bible parle des élus, c'est telle chose, c'est l'église qui est élue. Là maintenant vous aurez le problème ici, pas vrai? Oui. Voilà, donc on avance frère. Allons-y. Titre chapitre 1. Allô? Oui. La sœur Christiane. Excuse-moi, je voulais juste te poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on dit alors qu'il y a beaucoup d'appelés peu d'élus? On arrive là-bas, ne t'inquiète pas. Et quand le verset l'a sonné dans le cœur de tout le monde, ne t'inquiète pas. Le frère Jean-Marie Bekombo de Suisse, bon arrivé. Merci, mon frère. Bon arrivé, que Dieu te bénisse. Nous sommes en plein là-dedans, tu n'as pas perdu grand-chose. Tu n'as pas perdu grand-chose. Oui. Titre chapitre 1. Titre le chapitre 1. Il faut que nous soyons dans 2 Timothée tout à l'heure, là, n'est-ce pas? Oui. Si chapitre 1, vous y allez directement au verset 1. Du chapitre 1. Qui peut lire? Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. Oui. Qui est selon la piété. Oui. Lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle. Oui. Promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui me manque. Oui. Mm-hmm. Encore, lisons encore le verset. Non, le verset 1. Encore. Paul, serviteur de Jésus-Christ et apôtre. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu mm-hmm. et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est bon. Donc, il est apôtre de Jésus-Christ pourquoi? Dans ce verset. La foi des élus. Non, pas des ouais. élus. La foi des élus, oui. Non, pas la foi des élus. Faites attention à ce que vous lisez. Oui, oui. Pour la foi de qui? Les élus de Dieu. Les élus de Dieu, c'est ce qui est écrit. C'est autre chose ici, là, maintenant. La sœur Suzanne Cléodon des Pays-Bas, bonne arrivée. Merci, mon frère. Bonsoir, shalom. Shalom, mes sœurs. Je sais que parmi vous, vous vous écrivez petit à petit pour dire par derrière que le frère Junior est connecté, tout le monde à la réunion. Vous commencez à vous joindre là maintenant. Bonne arrivée de toute façon. Merci. Donc ici, il est question de la foi, que l'apôtre Paul est envoyé comme pour la foi des élus de Dieu. Ah, vous parlez des ministères dans la Bible, si je me sens bien maintenant, je pourrais parler ici maintenant 2 heures de temps. Pour la foi des élus. Donc il vient, oh, ne me fais pas parler. Allons dans le livre de 1 Pierre. Vous avez noté maintenant que ici c'est différent, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui. Un Pierre, chapitre 1, verset 1 et 2. Vous pouvez noter, hein? Un Pierre, chapitre 1, verset 1 et 2, et chapitre 2, verset 9. Si nous tous nous avions le même niveau de connexion et que chacun de vous avait lu la Bible, j'aurais procédé autrement, comme je vais procéder dans ce livre de 1 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, verset 1 et 2, qu'est-ce que ça dit? Le frère Camille, tu peux lire si c'est possible, au moins que tu aies une version bizarre là, comme tu as souvent là. Non. 1 Pierre 1, verset 1 et 2. Pierre apôtre de Jésus à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. La Bithynie. Et la Bithynie. Excusez-moi. Oui. Mm-hmm. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Voilà. Par la sanctification et de l'Esprit. Et dash. Vous voyez que l'apôtre Pierre écrit ici en situant les villes dans lesquelles il est écrit, il dit que cette lettre est destinée à tous ceux-là qui sont dans ces villes, qui sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit, n'est-ce pas? Mm-hmm. Là, maintenant, il s'adresse à qui? Vous êtes prêts? Mm-hmm. Vous voyez que cette question, il faut répondre. Chaque fois qu'elle pose la question, notez-la parce que ça va faire l'objet du travail. On va y revenir. Allons au chapitre 2, lisons à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 1 pour commencer. Chaque fois, je vais vous mettre stop et puis vous poser des questions avant qu'on arrive au verset 9. On y va. Frère Jean-Marie, on peut prendre le verset 1 du chapitre 2 de 1 Pierre. Chapitre 2 de 1 Pierre, lisons à partir du verset 1, doucement. Jusqu'au verset 9, on va s'arrêter au verset 9. Donc chaque fois que tu vas lire, je vais te stopper. En rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Voilà, ça va. Stoppons d'abord là-bas. Ici, l'apôtre Paul Pierre sera s'adresse à qui? Monsieur Clodon, en train de bavarder derrière Madame Clodon. Dis bonjour à Monsieur Clodon déjà. D'accord. Oui, oui. Et ferme ton micro comme ça, le monsieur aura le temps de bien parler là-bas. Dis-lui bonsoir, que toute la réunion le salue. Alors, je pose la question, le frère Jean-Marie et tous ceux qui sont dans le lit là, à qui est-ce que l'apôtre Paul a s'adressé ici dans ce livre des 1 Pierre chapitre 2 en disant que vous au contraire, non, que comme vous avez comme des enfants nouveau-nés, désireux comme le lait spirituel, à qui est-ce qu'il parle? Vous suivez ça dans la Bible, vous faites comment? Bon, vous avez confiance déjà. Les frères, vous m'entendez? À ceux qui ont reçu la parole. Qui a entendu la parole? Tout le monde est d'accord? Personne ne veut se prononcer. Oui. Frère Benjénique, c'est qui? Personne ne veut se prononcer. Comment? Continue donc dans la lecture, mon frère. Oui, le frère Camille dit oui. Alors, continue dans la lecture, mon frère Jean-Marie. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Stoppons là-bas. À qui est-ce qu'il parle? Que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il parle de ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ok, avançons dans la lecture. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La maison spirituelle qu'on forme est appelée quoi? La maison spirituelle, encore, ce sont on appelle ceux, ça qui ont, ceux qui ont accepté Jésus. La Bible les appelle quoi? Avec un terme plus simple. Le corps de Christ. Ou mieux encore, le mot générique. L'Église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la personne qui l'a dit. Alors maintenant, continuons. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oui. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Oui. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Oui. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Donc, on fait distinctement ici la différence entre ceux qui ont cru au Seigneur et ceux qui n'ont pas cru. Et c'est à eux donc qu'il a adressé depuis, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il dit clairement que c'est à cela qu'ils ont été destinés. C'est ce que tu voulais finir là. Puis il va se tourner là au verset 9. Allons-y, verset 9. Alors, vous au contraire, vous êtes une race élue. Stoppons là-bas. Vous êtes une race quoi? Élue. Il s'adresse à qui? Vous murmurez seulement en vous-même. Tous ceux qui ont cru. C'est lui. Au centre. Ça s'adresse à l'Église. À l'Église. Voilà. Vous voyez que petit à petit, on commence à développer, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, allons au chapitre 5 de ce même, au chapitre 5 de ce même livre de 1 Pierre. Oui. Allons-y. Verset 13. Verset 13. L'église des élus qui est à Babylone. À Babylone. Mm-hmm. Vous salue. Oui. Est-ce que Marc, mon fils. Ouais. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit ici? Il a ses salutations. Il salue qui déjà? Il dit que qui salue l'église à Babylone? L'église des élus. L'église des élus. Vous en avez noté tout ça, n'est-ce pas, mes frères? Oui. Mm-hmm. On va continuer. Allons-y dans le livre des 2 Jean. Vous y êtes. C'est amusant, n'est-ce pas? Mm-hmm. 2 Jean, verset 1. L'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Voilà. Et ce n'est pas celle qui les aime, oui. Mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Voilà. Mais ici, l'apôtre Jean écrit à quelqu'un de particulier, c'est une femme. Kyria, c'est le féminin de Kyrios, c'est-à-dire que c'est le féminin des seigneurs. Donc il s'adresse à une femme là-bas, parce que Kyria, c'est clairement que c'est une femme qui l'a adressé, n'est-ce pas? Parce que nous voyons effectivement que l'élu là-bas finit par avec eux. N'est-ce pas? Oui, oui. Pour montrer qu'il s'adresse à une femme. Et il dit que cette femme-ci est comment? Vous êtes d'accord, mes frères? Oui. Ok, maintenant, on rentre maintenant dans Isaïe proprement dit. Dans Isaïe, maintenant, vous allez faire une distinction entre les différents élus qu'on va lire là-bas maintenant. Alors, dans le prophète Isaïe. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Lorsqu'on va lire, chaque fois, on avait posé la question de qui est-ce qu'on parle, d'accord? Chapitre 43 d'Isaïe. Isaïe, le prophète Isaïe, le chapitre 43. La sœur Suzanne, si tu nous écoutes, éteins ton micro. Pour ça ne dérange pas chez toi là. La sœur Suzanne Claudon des Pays-Bas. Merci. Et le frère Benjenit. Le frère Jean-Marie, tu peux nous lire le verset 20 du chapitre 43 d'Isaïe. La sœur Jean. Oui. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour observer mon peuple, non, mon élu. Pour abreuver mon peuple, oui, mon élu. Donc ici, il dit que qui est élu? Son peuple. Son peuple. Gardez ce verset ici. Alors, chapitre 42. Vous avez chapitre 42? Oui. Lisez le verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, oui, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Oui. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Ici, il s'agit clairement de qui? Jésus. Donc, lui-même, il est appelé comment? Mon élu. Mon élu. Son peuple est appelé comment? comment vous riez? Je vous ai dit, ces choses, on ne peut pas répondre de façon superficielle, d'accord? Dans un Timothée, on avait vu que les anges aussi étaient élus, n'est-ce pas? Oui. Allons-y, dans le chapitre 45, allons-y, avançons. Frère, Tabi, pourquoi tu fais ça? Chapitre 45 d'Isaïe, toujours, vous y êtes? Oui. Le verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, j'étais appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Voilà. Je suis l'Éternel. Alors, il y en a point d'autre. Ici, il appelle qui exactement et directement son élu? Israël. Voilà. Chapitre 65. Avançons seulement. Je vais seulement que vous voyez toutes ces choses-là. On y va. Si vous êtes là au chapitre 65, vous lisez le verset 9, puis le verset 15. Les deux versets là. Vous y êtes. Chapitre 65, verset 9, verset 15, verset 22. Je crois que c'est bon là. Ce sera bon comme ça. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Judas un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Ça, c'est le 9, oui. Ici, vous voyez clairement de qui est-ce qu'on parle, non? Oui, continuons. Verset 15. Oui. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Oui. Le Seigneur, l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Oui. Et si les élus s'est mis pour qui? Si là, il ne voit pas. Hein. Tu ne vois pas, hein? Verset 22, mon frère, mes frères. Verset 22. Bonne arrivée encore, frère Stéphane de Lyon, en France. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Oui. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Oui. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Oui. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Voilà. Vous voyez de qui est-ce qu'on parle encore ici, n'est-ce pas? Israël. Voilà. Avançons seulement. Allons dans le livre de, rentrons dans le livre de Romains au chapitre 8. Prenons le verset 33. Vous connaissez ce verset. Romains chapitre 8, verset 33. C'est, ça fait suite à ce chapitre 8, verset 28 qu'on lisions tout à l'heure là. Romains 8, 33. Oui. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Voilà. Ici, vous voyez effectivement de qui l'apôtre Paul en est de parler, n'est-ce pas? Allez au chapitre 16 de ce même Romain, verset 13. Vous lisez ce qui est écrit de quelqu'un là-bas. Vous y êtes? Chapitre 16 de Romain, verset 13. Après, on va aller dans le livre d'Éphésiens. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur et sa mère, voilà. Et aussi la mienne. Voilà. Donc Rufus était quoi? L'élu du Seigneur. Voilà. Allons-y, avançons dans Éphésiens. Le but, c'est de vous donner le passage pour que vous travaillez ensemble, pour que vous travaillez doucement. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Le verset 4, je crois que vous êtes en train de noter, non? Oui. Donc, pour ceux qui viennent de nous joindre et qui ne savent pas de quoi on est de parler, le frère fidèle de la Belgique a posé la question dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, où on a dit que ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra parce que le Seigneur est le Seigneur, ainsi de suite. Et on dit là que les appelés, les élus et les fidèles qui sont dans le ciel également le vaincront aussi. Et il a posé la question, quelle est la différence entre les appelés, les élus et les fidèles? Donc, on est en train de voir cela. Vous êtes Éphésiens chapitre 1, verset 4. Alors, je vais lire. Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Allez, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Pour que nous soyons saints, oui, et irrépréhensibles. Il s'adresse à qui? Aux apôtres, non? Non. Donc, Dieu a élu les apôtres, que les apôtres soient saints. Et toi, tu es comment, frère? Non, Dieu, tiens. Aux chrétiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, vous y êtes? Oui. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Oui. Donc, il s'adresse à qui ici? Les chrétiens. Donc, les chrétiens ici sont quoi? Ce sont les élus de Dieu. Ok. Maintenant, on a fait le rando par rapport à ce qu'il en est. Maintenant, résumons. Là, quand la Bible parle des élus, à qui est-ce qu'il s'adresse? Pas des chrétiens. Il dit, résumons tout ce que nous avons vu. On a vu que quand la Bible parle des élus, il parle des élus pour qui? Qui? Mon qui a S? Élu qui a S, ce sont les chrétiens. J'ai dit mon qui que j'ai posé a S. Quand la Bible parle des élus, il a parlé des élus concernant qui? Qui a S là? J'espère que vous comprenez. Et ça, c'est tout pas dans le dictionnaire pour y mettre. Qui prend élu en S? Celui-là entend sa part, il dit ma part, il entend sa part. Il parle peut-être de ceux qui ce qui forme son corps. Non, mais est-ce que c'est peut-être ici? On a lu tous les passages qui parlent. Et à chaque fois, on voit que ici, ça s'adresse à telle personne, tel groupe. D'accord? Oui. En fait, ce qui forme son corps. Je suis en train de dire ceci. Faisons dans le résumé. On a vu qu'Élie pouvait s'adresser à qui? Qui? C'est pour ça qu'il dit qui à S? Les apôtres, les prophètes. La soeur Carole parlait. Les apôtres, les prophètes, etc. Non, parce qu'il y a un verset dans la Bible où on parle du corps du Christ et c'est par échelon, c'est-à-dire premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes et ainsi de suite. Quoi. Bon, je pense que c'est mis pour cela. Dans tous les versets que nous avons lu tout à l'heure, est-ce qu'il a reproché, il a dit cela aux apôtres, aux prophètes distinctement? Est-ce qu'il y a un verset dans tous les élus qu'on a lu là qui s'adressait aux apôtres spécifiquement ou aux prophètes spécifiquement? La sœur Carole de Canada voulait parler. Oui, élu avait S refaire au sein à l'église. Oui. Si on a aussi vu qu'il y a élu qui représente Israël. Oui, dans ce cas, élu c'est comment? C'est ça, S. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 10, où il a dit que pour les élus, afin qu'ils aient aussi le salut, de qui est-ce qu'il parle? C'est ceux qui n'ont. Parce qu'on a aussi parlé d'autres élus qui doivent croire plus tard, mais qui ne sont pas encore entrés dans le corps de Christ. Oui. Par exemple, à ceux qui sont appelés ou à ceux qui devront recevoir l'Esprit, qui vont croire plus tard, comme Pierre parlait. Ce sont les élus qui ne sont pas encore rentrés dans le corps de Christ. Mais, la sœur Carole, là, est-ce qu'on ne voulait pas te consacrer pasteur dans ton dénomination là? Que Dieu te bénisse. Donc, en fait, le round-up que nous avons fait, la tournure que nous avons fait dans la Bible, là, j'espère que je ne vous ai pas retenu pour longtemps, c'était pour vous montrer les différentes appellations. Parce que justement, que les élus, il faut voir partout où on les a appelés pour voir qu'à chaque fois, ça ne veut pas dire la même chose, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Ouais, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu clairement les anges élus. Ouais, que ça ne peut pas être effectivement ici, ça ne peut pas être les hommes ici, n'est-ce pas? Bon, ça veut dire que l'élection par rapport aux anges n'est pas la même chose que Dieu a dit de parler par rapport à sa préscience qu'il a choisi les gens dans tel ou tel groupe. D'accord, mes frères? Maintenant, je vais poser une question. Dans Matthieu chapitre 25, là, je vous pose la question parce que ça a très à voir avec ceci que nous sommes en train de voir. Dans un enseignement, j'avais dit qu'il y a une brèche pour le ciel, une brèche qu'il faut voir. Matthieu chapitre 25. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je crois que la communion est renouvelée maintenant. J'espère que dimanche prochain, Dieu voulant, on sera encore ensemble, n'est-ce pas? À la grâce de Dieu. Et j'espère que durant les moments que nous avons passés en Europe, vous avez passé de bons moments aussi. Et pour vous qui nous avez accueillis en Europe, nous vous remercions et que Dieu continue à vous bénir. Vous savez ce que Dieu a fait pour vous, avec vous, au travers de vous et à côté de vous. Gardez cela pour vous dans votre cœur et repassez ça dans votre cœur comme Marie repassait tout ce qu'on disait du Seigneur Jésus. Amen. À partir du verset 31, lisons doucement le chapitre 25 de Matthieu, à partir du verset 31, jusqu'à ce qu'on voit quelque chose. Allons-y. Qui lit alors? Je vais lire. Oui, lire, frère Jean-Marie, lire. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oui. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi. Et le roi leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, mauvais, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et t'avons. Ah, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, chacun de vous a sa Bible devant de lui, n'est-ce pas? Parce qu'il veut poser des questions. Parce que ceci a à voir avec le thème élu fidèle, appelé ton son de voir, d'accord? Mais jusque-là, je n'ai pas ouvert la brèche parce que le moment n'est pas venu pour parler de ça. Parce que ceci est choquant. Ce qui se cache derrière ces passages, c'est vraiment choquant. Je pose la question. Oui. Ceux qui sont à droite sont appelés qui? Les brebis. Les brebis. Il s'agit de qui? Répondez. Des élus. Il s'agit des élus. Il s'agit des élus qui sont à la droite, n'est-ce pas? Oui. Ceux qui sont à la gauche, c'est qui? Les boucs, ceux qui ne croiront pas. Je veux que vous répondiez en réagissant parce qu'il y a une question qui vient après les deux là. Vérifiez bien. Il dit ceux qui sont à la droite, c'est qui? Les brebis. C'est-à-dire, ça représente. Ça, c'est brebis en langage parabolique. En langage clair, ça représente qui? C'est juste les chrétiens. Qui a dit les chrétiens? Jean-Marie. Ok, donc, qui est d'accord avec le frère Jean-Marie? Le frère Benjamin, tu dis que tu es d'accord avec lui. Qui sont ceux qui sont d'accord avec lui? Oui, oui, ce sont les chrétiens. Ok. Bon, tout le monde dit que c'est les chrétiens. À gauche, donc, ce sont les qui? Ce sont les païens. Ce sont les païens. Bon, maintenant, regardez, écoutez-moi très attentivement. Là, dans ce passage-là, Le roi leur dit qu'ils entrent à la vie éternelle. Pourquoi? Frère Junior. Oui. Je peux répondre. Oui, frère Joben, vas-y. Ici, quand je vois cela, ça ne peut pas être des chrétiens. C'est vrai que le terme brebis est peut-être utilisé, mais ça ne peut pas être les chrétiens. Parce qu'on est en train de voir que le Seigneur Jésus-Christ revient pour juger le monde entier. Voilà. Donc, les brebis ici, il s'agit des restes d'Israël que le Seigneur est venu récupérer. Mais quant aux autres qui ne sont pas de la race d'Israël, ils iront à la perdition. C'est bien. Il y a beaucoup de choses que tu as dit. Il y a les aspects qui sont véritablement là. Parce que nous voyons effectivement que ça, c'est le jugement, n'est-ce pas? Mm-hmm. N'est-ce pas, mes frères? Oui. Là, donc ça, il y a un problème. Parce que Jésus a dit que celui qui comprend ne passera pas en jugement. N'est-ce pas ce qui est écrit? Oui. C'est pour ça qu'il dit, il vous dit la Bible est complète. C'est pour ça que si on n'est pas envoyé pour prêcher, il faut faire attention à la façon dont on ose. Parce que l'Église ne passera pas dans le jugement. Nous sommes d'accord? Oui. Ok, maintenant. Amen. Alors maintenant, en assumant que, je crois qu'on va aller avec l'hypothèse déjà, Marie, que c'est l'Église qui est à droite et l'autre au païen au gauche, à la gauche. Je dis donc, qu'est-ce que c'est les personnes qui sont à droite là, qu'ont-ils fait? Ce qu'ont-elles fait pour arriver là-bas? Par les bonnes œuvres, ils ont fait de bonnes œuvres, c'est pourquoi le Seigneur les récompense. Par les bonnes œuvres. Bien, c'est exactement ce qui est écrit là-bas. Et je vous pose la question, est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Non. Non, pas tant. Alors, dans ce cas, vous devriez vraiment réfléchir pour répondre à cette question, vous allez répondre de l'endemain. Parce que c'était juste. Par l'Église. Ils étaient juste comment? Par quoi? Par quel moyen? Ce sont ceux qui ont été prédestinés, en fait. Oui, tu veux te cacher derrière le prédestiné. Le prêtre, je n'ai pas se cacher plus facilement que derrière ceux qui sont prédestinés. Allons-y doucement encore, n'est-ce pas? Oui. Nous avons vu dans Éphésiens chapitre 1, tout à l'heure, le verset 4, qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables au devant de lui. Ici, il s'agit de qui? De l'Église. là. Et là, dans Matthieu chapitre 25, on a de juger celui-ci parce qu'ils ont fait une œuvre, bonne ou mauvaise, avant qu'ils puissent entrer ou bien ne puissent pas entrer. Ici, ça dit de qui? C'est devenu Israël. Que c'est devenu Israël? Cela parle de l'église. Alors, cela parle de l'église du Seigneur parce que l'église du Seigneur ne passe pas en jugement. Ça, c'est vrai. Vous avez... parce que moi, je pensais que c'était l'église. Mais ces passages-là, vous avez ça dans votre Bible, vous avez souligné, non? Oui. Vous soulignez que vous avez compris quoi alors? Est-ce que ce n'est pas les fidèles? Voilà, fidèle là-bas, demande-lui. Donc, après avoir posé ces questions, on va entamer maintenant la même chose qu'on a fait avec les élus, on va entamer avec les fidèles, d'accord? Okay. Là, je ne vais pas vous mettre pour longtemps, mais je veux qu'on reste sur la question. J'espère que vous entendez bien la question que je suis en train de poser, n'est-ce pas? Mm-hmm. J'ai dit, le roi dit clairement qu'il s'est assis sur le trône du jugement, et il a commencé à dire à certaines personnes qu'entrez, parce que, vous entrez parce que, et ceux si vous n'entrez pas parce que, ils sont surpris, n'est-ce pas? Mm-hmm. La question que je pose maintenant, c'est que ceux-ci entrent pourquoi? Ceux qui entrent, ils entrent pourquoi? À cause des œufs, grâce aux œufs. Grâce aux œufs. Vous êtes d'accord? La sœur Christiane Yankama dit grâce aux œufs, c'est ça? Aïe, la parole de Dieu. Aïe, la parole de Dieu. Ceux-ci entrent comment? Je vous répondez moi. Parce que j'étais juste. Parce qu'ils étaient justes. Mais de quelle façon ils ont été justes? Pas les œufs, ils ont été justifiés par leurs œufs. Je vous ai dit qu'il y a une brèche. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Je vais seulement vous glisser de ça pour vous faire attention. Donc il y a des choses dans la parole de Dieu que si il dit, vous allez fermer le Skype, vous ne venez plus vers moi. Alors, maintenant, je recommence maintenant. Écoutez très attentivement. Ok, vous dites que c'est Israël, n'est-ce pas? Frère Jobin, tu as dit que c'est Israël, n'est-ce pas? Non. Oui, j'avais dit que c'est Israël. Oui. Ah, ouais. Quelqu'un a dit non tout à l'heure. Qui a dit que c'est non? Parce que là. Moi, j'ai dit non. Oui. C'est qui donc, frère? J'ai dit non. Ok, frère Iba et frère Jean-Marie disent non. Alors, ça fait ça. C'est qui alors donc? Les nations. Parce que moi, je pense que c'est-à-dire que toutes les nations seront rassemblées. Oui. Seront rassemblées de plus. Non. Là, nous sommes d'accord que. Les nations sont devant lui et il a fait le tri, n'est-ce pas? Mm-hmm. À droite se trouve une personne, un groupe qu'on appelle les brebis. À l'autre à côté se trouve l'autre, il a finalement appelé les boucs. C'est ça, non? Oui. Mais est-ce qu'il a dit qu'il va mettre ses brebis à sa droite? Est-ce qu'il a dit ses brebis ou il a dit les brebis? Il a dit les brebis. Est-ce qu'il a dit ses brebis? Non. Ah, je peux sauter ici maintenant, on ne peut pas savoir de quoi il est question ici. Non. Attendez, d'abord ne posez pas de questions. N'est-ce pas c'est moi qui vous ai amené là-bas? C'est moi qui pose des questions ici là maintenant. Quand il vous dit que poser des questions, vous ne pouvez pas poser des questions. Maintenant, j'avance, d'accord? Oui. La question que je pose maintenant, c'est que vous avez admis que ceux-ci entrent parce qu'ils ont été justifiés, parce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit là-bas. Oui. Ok. Ils ont fait ça à qui? Voilà. Ils ont fait ça au tribut du Seigneur. C'est-à-dire qu'aux enfants du Seigneur, c'est à eux qu'ils ont fait ces bonnes œuvres. Matthieu, ah, mais me semble bien maintenant, là, je peux, il est quelle heure? Matthieu, chapitre 10, ouvrez Matthieu, chapitre 10, on y va. Que Dieu nous bénisse. Ne t'inquiète pas, c'est là où nous allons aller. C'est que vous êtes trop fort, vous êtes les lieux, c'est quoi, il y a les dabis chez vous là-bas et autres. Allons-y. Verset 40 du chapitre 10, 40 et 42. Je veux que vous regardiez quelque chose. C'est le Seigneur qui avait dit ceci. Frères bien-aimés, faites attention à vos actions. Vous avez foi en Jésus, nous avons foi en Jésus. Faites attention à vos actions. Maintenant, regardez le verset 40, 41 et 42. Quelqu'un lit là. Quel livre, pardon? Chapitre 10 de Matthieu. Oui, je vais lire. Oui. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous avez entendu ce que le maître a dit là, frère? Ouais. Dans les enseignements, j'ai dit que manquer de faire quelque chose à un enfant de Dieu, c'est manquer Dieu. C'est manquer Dieu. Fais quelque chose à un enfant de Dieu parce que tu vois qu'il est enfant de Dieu. Et tu le fais avec cette croyance-là. Vous le faites directement au Seigneur Jésus. Vous voyez ce qu'il dit ici? Maintenant, je vous pose une question. Comment quelqu'un qui va rendre des choses, de grandes choses à un enfant du Seigneur, s'il va en enfer, comment sera sa récompense? Le feu. Pourquoi il va aller dans le feu? Pourtant, il a fait le bien. Comme Jésus a dit ici, qu'il ne perdra point sa récompense. Je vais vous m'expliquer. Je vous prêche. Je vais parler une de ces années. Je vais parler, je ne sais pas dans quel pays, je vais parler de la prêche dans la parole. Ça va secouer, mais c'est la Bible. Frère Camille, pourquoi tu ris? Frère, oui, frère Bégénite. Je voudrais dire quelque chose avant, tu me dis si c'est peut-être pourquoi. Concernant ce passage de Matthieu 25, partie du verset 31. Oui. Bon. Moi, je pense que l'Église, j'ai d'abord il a dit que c'était l'Église qui était également considérée juste, mais je voudrais retirer cela. Oui. Je pense que là, en fait, les parrains, quoi. Oui. Et maintenant, c'est des parents qui auront eu de bonnes œuvres, qui auront connu ces œuvres-là, c'est en fait eux qui seront considérés comme des justes là-bas, puisque l'Église ne peut pas arriver au jugement. L'Église, c'est les faux et les plus d'agents. La sœur Christiane de Belgique, essaie de fermer ton micro parce que ça fait du bruit à côté de toi. Salut-moi tes enfants. Que Dieu te bénisse. Oui, continue, frère Benjamin. Donc, je dis, ça ne peut pas être l'Église parce que l'Église, c'est l'épouse. Et l'épouse est assise avec le roi. Lors du jugement, donc ce sont donc les païens qui auront eu à promettre ces bonnes œuvres. Et donc, en ce moment-là, les bonnes œuvres vont donc être récompensées. Quoi. Mais même si vous faites un peu de quoi, il ne prêcherait pas ça, mais je n'ai pas encore reçu l'ordre de prêcher par rapport à cela. Donc, je vais seulement vous donner les bribes pour que vous voyez. Aimez-moi toujours, je vous aime de toutes les façons. On y va. Rentrons dans la Bible maintenant. Je vais vous donner les passages maintenant concernant maintenant. Alors, voyons parce que la Bible parle des élus. En fait, je voulais vous dire des choses. Nous avons vu les élus. Il faut maintenant qu'on voie, je vous ai parlé brièvement des appelés. On veut qu'on voit maintenant les fidèles. Et on va encore voir maintenant que c'est encore compliqué avec fidèles, d'accord? On commence dans le livre d'Éphésiens. Chaque fois, en réalité, vous lisez la Bible, c'est quand on touche un thème que quand on lit même l'introduction, vous comprenez que même l'introduction est importante. Parce que l'introduction, il n'y a rien qui est écrit dans la Bible au hasard. N'est-ce pas? Le verset 1 du chapitre 1 d'Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, dans ce livre d'Éphésiens, il dit clairement que c'est adressé à qui, frère? Aux saints et aux fidèles. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Alors, les saints, c'est qui, frère? Et ça, c'est les élus. C'est ça même. Les fidèles, c'est qui? Les non-élus. Pas cette chinois. C'est compliqué. À ceux qui ont entendu la parole. Ok, donc les saints n'ont pas entendu. C'est les saints qui donnent la parole. Et donc la parole, quand la personne qui entend la parole finit d'entendre, il accepte et devient quoi? Fidèle. Il devient comment? Puisqu'il dit que les saints donnent la parole, donc comme ça, il donne la parole comme ça, je suis saint. Quand il donne la parole, vous écoutez comme ça, vous êtes les fidèles alors. La parole vous sanctifie. Oui, la parole vous sanctifie. Ok, quand les fidèles dont tu parles écoutent, ça ne les sanctifie pas aussi. Ça ne les sanctifie pas aussi. Oui. Si ça les sanctifie, ils deviennent saints. En fait, aux fidèles, c'est ceux qui ont obéi à la parole de Dieu sans faillir. Ok, et les saints, donc, c'est qui sont qui éboïssent en faillant? Ou bien en faillissant? C'est chaud, hein? Colossiens, avançons. Je suis en train d'aller doucement parce que je remarque que dans le groupe, il y a des gens qui ne sont pas au même niveau. Je suis obligé de procéder ainsi. Et je crois qu'avec la méditation, je crois que, par derrière, vous avez médité, vous avez dû méditer sans voir tous ces aspects-ci. Mais quand vous allez rentrer... Dimanche? Oui? Dimanche dernier? dimanche dernier, c'était chaud. On a débattu sur ce sujet-là. On a laissé. On a laissé pour aujourd'hui. On devrait s'attraper pour ça. Oui, maintenant nous voici. Maintenant, c'est vraiment chaud. Tu dis ça, tu bois l'eau. Colossiens, chapitre 1 encore. Colossiens. Vous y êtes? Oui. Verset, chapitre 1 de Colossiens, verset 2. Lisez le verset 1 et verset 2 encore. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Voilà. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Donc, ici, une fois de plus, l'apôtre Paul écrit à qui? Aux saints et aux fidèles. À Jésus-Christ. Donc à Colosse, il y a quel, combien de groupes là-bas? Deux. À qui ici s'adresse comme saint et à qui ici s'adresse comme étant les fidèles? Je peux dire quelque chose? Vas-y, parlez, s'il vous plaît. Ici, quand je lis, je vois que ce n'est même pas deux groupes. C'est un seul groupe. Oui. Ok. Et là où tu vas voir fidèle maintenant et appelé, c'est combien de groupes? Donc, ceux qui ont été appelés et qui sont fidèles, voilà. La sœur Christiane, ferme ton micro, ça dérange là. Quand quelqu'un parle, il y a un écho, il y a un retour. On appelle ça en physique, c'est le son, les ondes destructives. Oui, quoi, c'est bon. Vas-y, parle, ma sœur. Oui. Saint et élu. C'est ça, non? Non, saint et fidèle. Saint et fidèle, donc, c'est un seul groupe, c'est-à-dire ceux qui sont saints et qui sont fidèles. Voilà, moi je vois que c'est un seul groupe. Donc il y a les saints qui sont infidèles. Non, les saints sont fidèles, toujours. Donc les saints... c'est comme on peut dire que, on dit comme ça, tu trouves des passages dans la Bible où on dit que oui, à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Donc, ou bien... notre Seigneur est Père. Voilà. Dans ce cas, rentrons dans le livre de 1 Corinthiens, je ne dis pas pour lui. Hein. Nous avons lu 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Aujourd'hui, il avait dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. L'église de Dieu, c'est qui? Il dit que nous avons commencé par là, non? 1 Corinthiens, chapitre 1. Paul et Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui sont appelés à être saints, ainsi de suite. Appelés à être saints. Ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur. Le Seigneur est le nôtre. C'est pas ce que nous avons lu. Là, il était question de combien de groupes? On avait vu 4 groupes. Ok. Donc à Corinthe, il y en avait combien alors? 2. Ah non, je n'étais pas là, pardon. Voilà. Ok. Que Dieu vous bénisse vraiment. Allons-y dans 1 Timothée chapitre 5. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je crois que nous allons bien manger aujourd'hui. Moi j'ai une question en fait. Garde la question, ne t'inquiète pas. Avant que ça ne nous amène quelque part d'autre. Où va? Vous y êtes? Oui. J'ai dit quoi? J'ai dit 1 Timothée, n'est-ce pas? Hein? Prenons le chapitre 5 de 1 Timothée. Verset 16. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Je veux qu'on me dise ce qu'on dit ici. On dit qu'il y a des femmes, hommes qui sont appelés les fidèles, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est cet individu qui sont appelés les fidèles, de façon individuelle, fidèles. S'ils ont des veuves, qui s'occupent de ces veuves-là afin que l'Église, vous voyez une autre appellation. Mm-hmm. Afin que ça ne concerne pas l'église. Donc ça c'est l'assemblée des saints ici, n'est-ce pas? Oui. Les fidèles dont on parle ici, il s'agit de qui? Là nous sommes à Éphèse. Je vous pousse seulement à la réflexion, d'accord? Mm-hmm. On avance. Fidèle là c'est qui? Pourquoi? C'est pas toi qui s'appelle, c'est pas toi qui fidèle, c'est pas toi qui t'appelles fidèle, mon frère fidèle. Ce mot, mais dans ce côté, fidèle, qu'est-ce que ça veut dire en fait? 1 Timothée chapitre 6, le verset 1 et 2, maintenant. Donc, ouais, effectivement, que avec la Bible, on ne va pas vivre avec la Bible. Mm-hmm. Il y a des fois, mon épouse connaît cela, où je me mets à genoux dans la chambre. J'ai fait des mois et des mois pour utiliser la EN dans la Bible, en Christ, ça m'a perturbé pendant des mois. J'ai dû faire des mois sur un verset biblique, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ. Quand vous voyez les prédications sortent pour insister là-dessus, c'est parce qu'il y a un problème. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que les gens, ils récitent que si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. Chaque fois, ils vous disent effectivement que vérifiez vraiment que vous êtes en Christ. Donc, si vous étudiez vraiment ce que veut dire être en Christ, vous allez trembler de dire que je suis en Christ. C'est ce qu'il dit chaque fois, c'est pour ça que vous voyez les enseignements sortent comme ça. On croit peut-être que c'est juste, on se lève comme ça pour commencer à parler. Non, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, j'ai l'Esprit de Dieu avant moi. C'est quoi avoir l'Esprit de Dieu? Il faut expliquer cela dans les profondeurs. C'est quand on touche des choses comme ça concernant les fidèles, tu vois que chacun dit fidèle, fidèle. Mais quand on dit qui est fidèle d'après la Bible, les tergiversations commencent. 1 Timothée chapitre 6, verset 1 et 2, qu'est-ce que ça dit? Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Verset 2. Et que ceux qui sont des fidèles, ceux qui ont des fidèles pour maître, ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Exactement, je suis obligé de vous les recommander. Je suis obligé de vous recommander que si vous avez quelqu'un, vous travaillez chez quelqu'un qui est un frère, qui est infidèle, n'essayez pas de le mépriser en disant que comme c'est un frère, il peut laver, il peut travailler son travail, il peut le mépriser n'importe comment. Qu'il ne doit pas me faire quoi parce que nous sommes des frères. On doit davantage travailler encore bien comme chez le Seigneur. Sachant que c'est un fidèle du Seigneur. Mais la question c'est, qui est-ce qu'on appelle ici fidèle? comment encore? Fidèle, c'est le serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors dans la Bible donc, l'Écriture a prévu certaines appellations pour certaines catégories de personnes selon le groupe où on se retrouve. Et il y a plusieurs appelés peu d'élus. D'accord? Mm-hmm. Je vous pose une question. Les chrétiens, comme on voit dans le monde entier, souvenez-vous de ceci, nous qui sommes vivants, nous ne constituons pas les vivants qui sont partis de l'épouse, ne sont pas les seules épouses. Parce qu'il y a eu les membres de l'épouse qui se sont couchés au courant des siècles. Mm-hmm. Vous me suivez? Amen. Donc ce n'est pas tous les chrétiens qui constituent l'épouse. Vous êtes d'accord? Mm-hmm. Amen. Quelles sont les caractéristiques d'une épouse du Seigneur? Donc vous voyez que par le langage, chaque chrétien dit que Christ, Seigneur, Jésus est mon époux, n'est-ce pas? Mm-hmm. Est-ce que chaque épouse là a sa robe là, comme on dit dans Apocalypse chapitre 19? Mais la Sœur Marie-France, je vois qu'il fait chaud chez vous en France, comme ici à Douala, donc que Dieu vous préserve. Que Dieu vous préserve. Mm-hmm. Souvenez-vous, vous en Europe, il y aura des températures vraiment, vraiment record, comme j'avais dit dans un enseignement. En un autre endroit, pendant qu'il y aura l'inondation record, dans un autre endroit, il y aura les températures chaudes vraiment record. C'est Dieu qui a fait ces choses pour amener les gens à réfléchir de lui. Et en Côte d'Ivoire, il pleut très fort maintenant. Ça va renverser des forteresses. Même il y a des maisons, même que les gens vont déménager, des quartiers, les gens vont même déménager. Donc ce n'est que le début. Alors, j'étais de poser une question. Quelle est la condition pour que quelqu'un soit son épouse? Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ce n'est pas tous ceux qui sont des chrétiens qui sont épouses du Seigneur. Non. J'ai besoin de parler parce qu'il y a une seule. La seule chrétienne a parlé. Et le pasteur qui dit qu'il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Vous savez de quoi il est question d'avoir des élus, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, faites attention. L'épouse du Seigneur, c'est un groupe connu de lui et choisi de lui. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Quand on dit l'église, le corps de Christ, c'est autre chose. Vous appelez l'église en général, ou tout le monde est chrétien, c'est une chose. L'épouse qui va s'asseoir sur le trône, à qui il est donné le pouvoir de juger, c'est une autre chose, c'est un autre groupe là-bas. Mm-hmm. Vous me suivez, mes frères et mes soeurs? Amen. Que Dieu vous bénisse. Mm-hmm. Que Dieu vous bénisse. Le frère Benjamin avait une question, je crois que c'était lui qui avait une question. Ou bien? Frère, j'ai une question. Oui, la soeur Christiane. Excusez-moi d'insister. En fait, c'est que, et qui sont ceux qui sont assis dans l'église et les avec le Seigneur? Qui sont ceux qui sont un avec Christ? Et sur la parole, le Seigneur dit que nous sommes appelés à être un avec lui, être en lui et lui en nous. Oui. Et qui est l'église qui est dans Apocalypse que, qui va se lever comme la dame de Jérusalem, quoi, là? Ce n'est pas l'église en général, l'église c'est juste un groupe de personnes. Hmm. Hmm. Apocalypse, prenons Apocalypse chapitre 3. Avez-vous déjà vu la récompense par rapport au talent donné à celui qui a donné 10, prend la domination de 10 villes ainsi de suite? Vous avez vu cela? Oui, oui. Vous avez ça dans les Écritures, dans cette parabole-là. Oui. La sœur Suzanne de Solange du Canada, bonne arrivée et bonsoir. Apocalypse chapitre 3, je crois que son micro n'est pas fait. Bonsoir. Voilà, que Dieu te bénisse. Tu es entré doucement dans la maison. Alors, nous sommes là dans Apocalypse chapitre 3, lisez les versets 19, 20 et suivants. J'entends des cris au Canada. Des cris au Canada. Ça, c'est des cris de détresse ou quoi? Qu'est-ce qui appelle cette détresse-ci? Les gens sont gelés ou quoi? Des cris au Canada. Oui, Apocalypse chapitre 3, verset 19, 20, 21 et suivant. Allons-y, frère. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, disait, il repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur le trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône. Voilà. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit dans l'Église. Amen. Donc, vous voyez effectivement que parmi l'Église qui sont censés écouter la voix de l'Esprit, il y a parmi eux le vainqueur. La sœur, Christiane de Belgique, je crois qu'elle a été déconnectée, pourtant c'est elle qui a posé la question. Donc, vous voyez ici effectivement que ceux qui s'assoient sur le trône, on les appelle quoi? Les vainqueurs. Et il dit la façon dont ceux-ci sont vainqueurs, c'est comme il a vaincu. Comment est-ce que Christ a vaincu? Voilà des sujets de travail dans la Bible. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas tout le monde qui va s'asseoir sur le trône. Il y a des gens qui sont destinés pour cela. Il y a une maman qui est venue qu'on mette son fils et ses deux fils à gauche et à droite. Elle avait l'âge de réserver deux places pour eux, pour que s'il vient juger sa famille, on ne condamne pas toute sa famille. Jésus a dit, ça ne se passe pas comme ça. C'est réservé à ceux à qui cela est destiné. Donc, pour ce qui est de l'Église, c'est simplement comme ça. On va y revenir. Je crois qu'il y a des enseignements profondément là-dessus. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'en avais une autre question, frère Jean. Oui, frère Benjamin. Puisque l'on parle de l'époux et des amis de l'époux. Oui. De l'époux et des amis de l'époux. Bonne question. Qui sont tous les amis? Non. Ouvrez Apocalypse, je peux te dire, puisque vous êtes l'Apocalypse. C'est très bien. On y va. On peut y aller, frère. Quand Joseph a été vendu par ses frères, il a pris une épouse ou en Israël ou bien dans les nations? Dans les nations. Dans les nations. Mais le pasteur Stéphane ne parle pas depuis de Lyon. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la chaleur. Donc, le Seigneur a également été vendu par ses frères et il a pris une épouse chez les nations, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ok. Amen. Lisons les versets 6, 7 et 8 de cet Apocalypse chapitre 19. Et puis, je pose la question qui va dans le sens de Débégénique là. Allons-y. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses sons et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans la richesse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et c'est lui. Non, il lui est. Et lui de se revêtir car le fin là, ce sont les œuvres justes des saints. C'est bon. Alors, vous tous, vous avez vu ça devant vous, n'est-ce pas? Amen. Lisons le verset suivant. Lis le verset suivant, mon frère. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Stoppons là-bas. L'ange dit que heureux ceux qui sont appelés au festin de des noces de. Amen. Ouais. Les noces, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'on appelle noces? La noce. Fiançailles. Le demander au mari. Voilà. Le mariage. Oui. Il demande alors à Frère Camille. Frère Camille, la noce, c'est quoi? C'est après mariage. Ok. Donc, maintenant, lorsque cette soirée-là, la célébration du mariage qui a été fait, n'est-ce pas? Lorsque c'est organisé, dans cette soirée, on voit plusieurs groupes qui y entrent. Il y a les invités qui reçoivent l'invitation de venir au mariage, n'est-ce pas? Oui. Quand il vient, parce qu'il vient assister au mariage d'un homme et d'une femme, n'est-ce pas? Oui. Qui se marie même dans cette Apocalypse 19-là? Qui est censé se marier? Qui est l'homme? Jésus. Qui est sa femme? L'Église. Qui sont ceux qui sont invités aux noces? Ils sont aussi dans les nations. Les amis de l'Église. Et les amis. Bon, je vous pose une question. Nous attendons. Quel est l'événement majeur que nous attendons maintenant devant nous qui concerne le Seigneur? L'avènement. L'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Donc, qui est enlevé? C'est l'épouse. Donc, faites attention à ce que vous dites, d'accord? Ok, si c'est l'épouse qui est enlevée, les autres assistent au mariage comment? Parce que le mariage se passe au ciel, non? Mm-hmm. Comment eux, ils y entrent? Ah, ça... Ils doivent être invités, sinon ils n'entreraient pas. Ça c'est clair, ils sont invités, mais ma question c'est, puisque le mariage se déroule au ciel, vous dites que c'est l'épouse qui sera enlevée, comment ceux dont là qui doivent aller aussi au mariage ont reçu l'invitation? Ils vont venir comment? Puisque l'ange dit là-bas que heureux ceux qui sont appelés aux festins de l'os de l'agneau, n'est-ce pas? Les festins de l'os de l'agneau ne se passent pas sur la terre, c'est au ciel, non? Oui. Et pour que le mariage se célèbre, il faut qu'il y ait des gens qui vont acclamer, non? Oui, ceux-ci viennent comment au ciel? Bonne soirée et bonne réflexion. Que Dieu notre Père vous bénisse, que Dieu notre Père vous bénisse, que Dieu notre Père vous bénisse. Et je prie que toute cette semaine-ci qui vous comble de ses grâces et que tous ces questionnements-là trouvent leur satisfaction dans votre cœur. Et vous aussi, et vous tous qui nous écoutez sur Bamba Iba, y compris Bamba Iba lui-même qui en est d'écouter et en est de participer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse alors. Bonne soirée. Bonne soirée, mes frères. Bonne soirée. Bonne soirée. Frère Junior. Oui. Quelques minutes après, si vous avez le temps. Oui, c'est ça. Oui, frère Jobin, j'ai à causer avec toi. Oui. Ok. Merci. Que Dieu vous bénisse alors, mes frères. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu te bénisse également, vous tous. Oui. S'il vous plaît, priez. Amen. Priez, vous tous qui êtes à l'étranger, priez pour ceux de la Côte d'Ivoire. Pour que le Seigneur accorde ce qu'il a destiné pour eux. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu les bénisse. Fidèles sont les fidèles, hein? Allez, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse alors. Je crois que j'ai débroussé le chemin jusqu'à ce niveau pour vous continuer. Il y a toujours des herbes, hein, frère. Il y a toujours des herbes. Oui. Ça fait toujours Dieu quand même. Ça vous fera du bien lorsque vous allez découvrir des choses par vous-même. Ça vous fera vraiment du bien. Amen. Mm-hmm. Amen. J'ai gardé ma question. Alors, ok. Quelle était ta question, Jean-Marie? Non, c'était dans Ephésiens. Oui. Parce que lorsque l'apôtre Paul parle, à partir du verset 1er, oui. Et il continue au verset 4. Oui. Il parle en nous. Oui. En lui, Dieu nous. Il s'inclut lui-même. Verset 5, nous. Oui. Verset 7, nous. Oui. Mais on va au verset 13. Oui. En lui, vous aussi. Oui. Là, j'essaie un peu de voir la différence entre il parle des Éphésiens qui ont cru pour montrer que c'est de la même façon qu'eux ils sont entrés, c'est de la même façon que ceux-là sont entrés. Tu vois, si remarquez très attentivement comment l'évangile est parfait. Si l'apôtre Paul s'inclut ici que nous, c'est que ça va poser problème parce que l'apôtre Paul n'a pas écouté un évangile pour être sauvé. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Parce que là-bas, dans Éphésiens chapitre 1, verset 11 à 13, il dit qu'en lui, vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, la parole de vérité, vous avez cru. Donc, il ne peut pas s'inclure parce que quelqu'un ne lui a pas prêché pour qu'il entende pour croire. Nous connaissons son événement, n'est-ce pas? Mmh. Vous voyez que même la plume, le Saint-Esprit, le prenant pour écrire, ne peut pas faire l'erreur avec lui, n'est-ce pas? Mmh. Voilà. Donc, il s'adresse à ceux d'Éphésiens que la parole de vérité leur a été prêchée, l'évangile du salut, ils ont accepté, ils ont cru, c'est là où le Saint-Esprit est venu sur eux. Mais chez lui, ce n'est pas venu de la même façon. Donc il ne peut pas s'inclure là-bas. Mais tous les autres versets où il s'est inclus, c'est accompli pour lui exactement comme pour les Éphésiens. D'accord, mon frère? D'accord. Que Dieu donc vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excellente soirée, excellente soirée. Amen. Voilà, je crois que j'ai rendez-vous avec le frère Joe. J'ai rendez-vous avec le frère Joben et la sœur Sandra des USA. La sœur Sandra en priorité parce que depuis là c'est urgent, n'est-ce pas? Donc tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vient. Je t'attends depuis hier. Oui, frère Jean-Marie, toi aussi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient se joindre là, il se joint qu'à la fin. Et Mero, il vient comme le policier qui vient à la fin du film là. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Assetou Aïdara, on va se voir cet événement à Abidjan. Oui, bon week-end. Vous pouvez continuer à travailler, d'accord? D'accord. À tout à l'heure, sœur Sandra, le frère Jean-Marie et le frère Joben. Que Dieu vous bénisse. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Que la grâce de notre Père vous bénisse, vous aussi ici.